mais juste avant, je peux quand même pas m'empêcher, là, vraiment. Trump, vraiment. Le monde entier a comme un peu la gueule de bois aujourd'hui. Ça, c'est comme pas encore digéré, vraiment pas. Il y avait des unes de journaux et de magazines d'ailleurs très claires. Catastrophe, qu'est-ce que c'est ça? La fin du monde qui commence, what the fuck? Toutes sortes de choses comme ça. Oui, c'est un résultat qui est extrêmement décevant. Pourquoi? Pourquoi, peut-être, vous demandez-vous encore? Je me permets un petit commentaire. Parce que, de toute façon, l'économie, ça va avoir un effet sur notre économie. Veux pas, il y a un effet mondial là-dedans. C'est d'abord, bon, oui, on a parlé de l'effondrement du vote démocrate. Hillary Clinton, 6 millions de moins de votes qu'Obama. Donc, ça finit par paraître. Quoique Trump a eu moins que Mitt Romney, mais les progressistes n'ont pas suivi. Et elle a moins bien fait qu'Obama chez les jeunes, les Afro-Américains et le vote hispanique. Bref, Trump aussi a été aussi fort, et ça, c'est vraiment ce qui me frappe, a été aussi fort que Clinton a été faible. Et Trump, lui, il les a eus, ses votes républicains, dans les endroits qui comptaient. C'est ça le fond des choses. Et puis, l'élection de Trump, pour parler franchement, c'est dans un courant. Des populistes, menteurs, il y en a de plus en plus. Mais avec sa victoire, c'est comme si on réalise finalement que la politique, ben, ce sera plus jamais, peut-être, le choc des idées. Où on se laisse convaincre par les meilleurs arguments, les propositions les plus intéressantes, les plus cohérentes. Ça n'a plus aucune valeur. En tout cas, pense-t-on aujourd'hui. Ça consacre un fait. On est dans un monde où l'émotionnel est à peu près la seule règle. Celui qui gagne, c'est celui qui titille le mieux les frustrations, qui joue le mieux avec les travers, les colères, les cicatrices. Ça consacre aussi un autre fait, le déclin des médias traditionnels. Les gens qui ont voté Trump ne croient pas aux grands médias. C'est fou, mais c'est ça. Alors, ils ont préféré croire un menteur pathologique parce que ça canalisait leurs frustrations, leurs espoirs aussi. Et je vous rappelle que selon PolitiFact, qui est un site qui fait de la vérification des faits, 70% de ce que Donald Trump dit est soit globalement ou totalement faux. Et je pense qu'on néglige aussi un élément. D'ailleurs, souvent, les médias, tout comme les émissions de variété, les sketchs, les parodies contre Trump, on regarde ça, on rit, c'est bien le fun, mais ça change rien. Ça change rien parce que l'ensemble de ceux qui tenaient des discours anti-Trump vont plus souvent qu'autrement prêcher chez des convertis. Parce que on prend chez les médias ce qu'on veut bien entendre, finalement. Hein? On cherche pas tellement à défier notre point de vue qu'à le conforter. Autrement dit, je pense que la consommation des médias n'est plus tellement pour apprendre que pour alimenter un point de vue. Et les réseaux sociaux, ben, c'est exactement ça. On conforte nos idées. Hein? Combien puisent à droite, à gauche pour se remettre en question? Non. Non, on a un cercle d'amis qui pensent souvent comme nous. Ben, il y a des millions d'Américains qui se sont crus dans leurs mensonges. Ils ont voulu croire un menteur pathologique, un prédateur sexuel, un raciste, un homophobe, un crétin, un incompétent crasse qui a fait faillite 6 fois. Un clown, bref. Alors, pourquoi? Il y a quand même des choses et des pistes. Parce que, au travers du discours haineux, il y a pendant ce temps-là tenu un discours qui était cohérent pour toucher les cibles qu'il voulait toucher, qu'il voulait atteindre. Quand on pense à ça, il a vraiment su canaliser les frustrations d'une partie des Américains, celles dont il avait besoin. Avec la mondialisation, il y a eu des transferts d'industrie, on parle d'économie ici, des délocalisations vers l'Asie, notamment. Ça a fait mal à des États qui sont jugés clés pour l'élection, Ohio, Pennsylvanie. Il s'est perdu des milliers d'emplois bien payés. Trump, lui, a promis de ramener ces entreprises-là perdues en sol américain, donc c'est une promesse qui, de toute évidence, a plu. L'impôt aussi aux États-Unis, c'est mal, ça. Pour bien du monde, surtout républicain, payer de l'impôt, ça équivaut à engraisser un gouvernement trop gourmand, trop gros, corrompu. Et ils détestent ça à ce point de payer de l'impôt que quand ils ont appris que Trump avait fourré l'impôt et rien payé pendant 18 ans, au lieu de se fâcher, les Américains l'ont envié. Ça donne une bonne idée, là. En promettant de baisser les impôts, donc Trump a mis dans le mille. Les Américains sont pour plusieurs aussi, bien sûr, très, très croyants. Et les grandes associations religieuses se sont pincées le nez et ont demandé de voter Trump. Pourquoi? Parce qu'il va nommer des juges à la Cour suprême qui s'opposent à l'avortement. Des juges conservateurs. Et pour des fanatiques religieux, ben, c'est plus important que de dénoncer des violeurs, des agresseurs ou des pervers. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup chez eux aussi. Autrement dit, on pardonne l'impardonnable quand il est question d'assurer ses intérêts. Trump a aussi promis de dépenser davantage pour assurer la sécurité des Américains parce que vous comprenez qu'à force de faire croire au monde que la menace est partout, ben, qu'un taliban se cache dans une poubelle d'un village du Wisconsin, ben, la peur est devenue réelle. Et les électeurs se disent, ben, écoute, si on est insécure alors que c'est Hillary qui est la secrétaire d'État responsable de ça, pourquoi je devrais lui faire confiance pour changer le climat? Ça se comprend.